Le monde à côté de Jip. Chapitre 1er. Il est 5 heures, la nuit est venue, une nuit de décembre humide et glaciale. La neige tombe en tourbillonnant, les voitures roulent sans bruit, les passants sont rares. Devant un hôtel des Champs-Élysées, plusieurs voitures stationnent, étoilant la nuit de leurs lanternes voilées de buée. Cet hôtel est superbe. Un monumental escalier de marbre conduit au premier étage où il finit. Les murs sont couverts de tapisseries flamandes. Des plantes des tropiques fleurissent dans une atmosphère suffisamment surchauffée pour faire éclore des vers à soie. L'antichambre conduit à une enfilade de salons, tous différents de style, mais tous fleuris comme des serres. Le dernier, dans lequel 15 ou 20 personnes prennent du thé en bavardant haut et ferme, est une véritable merveille. Le plafond et les murs sont tendus en satin de Chine peint et brodé, sur lequel s'entrelacent des plantes bizarres et des animaux fabuleux. Ce fouillis s'agite et vit dans un ciel embrasé de rayons ou dans des eaux diamantées. À terre, un tapis d'ours blanc où on enfonce jusqu'à mi-jambe. Au milieu du salon, une grande borne de satin jonquille, du centre de laquelle sort un palmier, dont les larges feuilles caressent le plafond. Sur la cheminée, sur le piano, partout, des fleurs. Dans de grandes caisses de Saxe, des orangers, des grenadiers et des lauriers roses. Puis des statues, des paravents, des sièges contournés, une harpe, des piles de coussins, des poufs, des bergères et des divans. Tout cela éparpillé avec art. Un désordre charmant, mais pas d'encombrement ni d'abus du bibelot. À travers le salon va et vient la maîtresse de la maison, la comtesse Josette Moret. Debout dans la baie qui conduit au jardin d'hiver, deux hommes causent à demi-voix, s'isolant des autres groupes. L'un, grand, mince, remarquablement élégant et distingué, a vraiment grand air. C'est le vicomte de l'affaire. L'autre est légèrement trapu. Il a l'œil vif, le teint fleuri, le visage épanoui. C'est le marquis de Scaer, le très jeune oncle de la comtesse. L'oncle Jean, ou même le plus souvent Jean tout court, pour sa nièce. La bonne Frimousse, habituellement réjouie de l'oncle Jean, est presque émue. « Mon vieux Pierre, va, » dit-il à monsieur de l'affaire, en lui serrant la main pour la 10e fois au moins depuis 5 minutes. « Tu n'as pas idée du plaisir que ça me fait de te revoir. »« Mais si, je suis tellement aimable. »« Quel original tu fais. Tu pars pour 8 jours, soi-disant, et tu reviens au bout de 5 ans. »« Cependant, voyons, là, entre nous. »« Tu as dû guérir avant l'expiration de ce lustre. »« Comment guérir ?»« Ne prends pas ton air candide. »« Si tu crois que je n'ai pas deviné pourquoi tu t'éclipsais subrepticement. »« J'ai ouvert l'œil. » Mon œil d'oncle, et j'ai vu clair. Tu n'as rien vu, attendu qu'il n'y avait rien. Il y avait Josette, parbleu. Tu as eu ton tour comme les autres, toi, l'invincible. Ah ça !» ajouta M. de Scaer en voyant la physionomie sérieuse de son ami. « Ah ça, c'est fini au moins. » Je le croyais fermement, il y a 1 heure, mais à présent. Eh bien, je suis sûr, au contraire, que ce n'est pas fini du tout. » Et montrant la jeune femme qui passait près d'eux, « Tiens, Jean, regarde là, pas avec tes yeux d'oncle. Dis-moi, s'il peut en être autrement. » « Que le diable t'emporte. Après ça, je sais bien que moi, son oncle, son respectable oncle, j'ai failli devenir amoureux d'elle aussi. Ah, ma foi, oui. J'ai songé sérieusement à demander les dispenses. Elle n'aurait pas voulu de toi. » D'abord. Ensuite, elle me faisait peur. Elle a une nature, des emportements, des révoltes. Quoique, cependant, elle se soit bien modifiée depuis son mariage. Mais moi, j'aime avant tout la tranquillité. Ce n'était pas du tout mon affaire. « Elle est encore plus belle qu'autrefois, » dit monsieur de l'affaire qui ne quittait pas des yeux la comtesse. « Ce n'est pas qu'elle soit belle à proprement parler, » répondit l'oncle Jean. Mais elle est pas tout le monde, rien de banal. C'est surtout ça qui attire les admirations, et ça les attire ferme. Ah, dit le vicomte, et fronçant légèrement les sourcils, c'est une singulière créature. La comtesse Josette est en effet la plus singulière créature qu'on puisse voir. Splendidement belle, quoi que dise l'oncle Jean. Elle a des yeux verts immenses, profonds, limpides et d'une prodigieuse mobilité d'expression. Tantôt presque durs, avec des reflets pâles, tantôt caressants et traversés de chaudes lueurs. Le teint est rosé comme celui d'un bébé anglais. Le nez droit, aux ailes transparentes. La bouche d'une éclatante fraîcheur, à la fois austère et gourmande, les dents éblouissantes. La tête, toute petite, couronnée d'une lourde masse de cheveux d'un noir intense, est superbement posée sur un cou fort, rond et blanc comme une colonne de marbre. Très grande, mais admirablement faite, Josette paraît de taille moyenne. Les épaules sont larges, les bras merveilleux, la poitrine haute et droite. La taille, pas assez fine pour la mode, est solidement plantée sur des hanches basses et développées. Les mains sont belles, les pieds tout petits et très cambrés. Ce corps charmant et étrangement souple prend des poses imprévues et absolument personnelles. Il ondule sous la robe qui semble à peine le toucher. Et on devine que jamais un corset n'a entravé les mouvements ni raidi la taille ronde. De toute la personne de la comtesse s'exhale un je ne sais quoi de sain et de fort, une sorte de grâce chaste et robuste, très rare chez les Parisiennes, ou du moins chez les femmes qui vivent à Paris. Elle s'habille à sa façon, sans jamais se soucier de la mode, et elle a cette chance que tout ce qu'elle porte va mal à celle qui essaie de le copier. Josette est bonne, violente, sincère et franche à l'excès. Son caractère tout d'une pièce s'est incomplètement plié aux exigences mondaines. Elle adore les grandes et belles choses, exècre les platitudes et les mesquineries, et ne dissimule jamais l'impression ressentie. Spontanément honnête, elle s'est longtemps indignée contre ceux qui ne le sont pas, croyant qu'elle était la règle et les autres l'exception. Intelligente et généreuse, elle déteste avant tout les médiocrités importantes, ce qui fait qu'elle a fort peu d'amis. Aujourd'hui, elle est préoccupée, parle peu, offre distraitement du thé aux uns et aux autres, en apporte à ceux qui refusent et oublie ceux qui acceptent. On voit que sa pensée est ailleurs. Un de ses visiteurs l'aide à porter les tasses et la suit pas à pas, lui parlant à voix basse et l'enveloppant d'un étrange regard. Monsieur de Lafay remarque ce manège et désignant à l'oncle Jean le cavalier servant de la comtesse. « N'est-ce pas cette canaille de l'aréole ?»« Précisément. »« Dis donc, tu es sévère pour lui. »« Pas assez. »« Comment se fait-il que ce monsieur vienne chez ta nièce ?»« Mais, mon ami, l'aréole va partout. »« Tant pis, pour partout. »« Tu es resté sous l'impression des racontars d'antan. »« Ah !»« Est-ce que ses moyens d'existence ne sont plus les mêmes qu'autrefois ?»« Oh, tu sais, on a dit tant de choses. »« Il n'en faut croire que la moitié. » C'est déjà joli. Enfin, pour l'instant, l'aréole a une conduite exemplaire. Il joue à la bourse. Bah, Madame de la Saussée est donc morte? Mais non, ne crie donc pas si haut. Pourquoi? Est-ce qu'elle est là? Pas elle, mais Luxeuil est à deux pas de toi. Qui ça, Luxeuil? Tu ne le connais pas. C'est ce garçon blond, là, à droite. Je le vois. Eh bien? Eh bien... C'est le successeur de l'aréole, à ce qu'on dit. Tes restrictions me plaisent. Il parle à une petite femme qui est drôlette, le successeur. Je t'en réponds, c'est la petite vicomtesse de Jurieu. Et que fait-elle, cette petite vicomtesse? Car elle doit faire quelque chose, n'est-il pas vrai? Parfaitement, des opérations de bourse. Elle aussi. Est-ce l'aréole qui la dirige? Non, c'est le baron Jassy. Fichtre, c'est plus sûr. Ah, voilà la toujours belle Madame de Villefranche. Elle est étonnante, cette femme-là. Depuis 25 ans, au beau fixe, c'en est fatigant. Je ne trouve pas. Tiens, toi aussi. Alors, son goût, absolu pour les jeunes gens, est donc passé? Merci. Dame, Je ne pense pas que tu poses pour l'adolescent. Qui est ce petit monsieur qui a l'air moins bête que les autres ? Lagardy, un journaliste très gentil. Tu vois la dame qui lui tend la tasse ? Oui, c'est une belle femme. Pas de chic, mais une superbe ligne. Femme politique, mon cher. Pouah ! Ne dis pas pouah. La célèbre madame Hart, la comtesse de Hart, comme disent les reporters, désireux d'être remerciée, joue avec succès les Aspasies. Ah, et qui est Périclès ? Tout le monde. Tu me présenteras ? Eh, Dieu me pardonne, là-bas, près du piano, se bourrant de gâteau, j'aperçois Dammartin. En effet, toujours le même. L'appelle-t-on encore la vieille rognure ? Parbleu ! À la bonne heure ! Je retrouve mon Paris tel que je l'ai laissé, chaque chose à sa place. C'est-à-dire, c'est une manière de parler, car je suis étonné de rencontrer chez Madame Moret tous ces gens-là, qui ont du reste l'air de l'amuser médiocrement. Mon Dieu, tu sais, Moret aime beaucoup le monde. Le monde passe encore, à la rigueur, mais ça, c'est le monde à côté. À côté tant que tu voudras, n'empêche que tous ces gens-là ont des titres, des noms sonores et de l'argent. Et mon cher neveu tient à cela, au nom et au titre, surtout, comme tu as pu t'en apercevoir. C'est vrai. En mon absence, Moret est devenu comte. Comment cela s'est-il fait ? Oh, d'une façon bien simple, il a tout prosaïquement acheté un titre de comte romain. La mère Moret était désolée, Josette furieuse, elle trouvait ça bête. Ah, le fait est, que veux-tu ? Chacun a ses petits travers. Celui-là est inoffensif. Toujours est-il que Paul a peu à peu secoué les vieilles relations bourgeoises du père Moret. Et je t'assure que si aujourd'hui on venait lui rappeler que son grand-père vendait du bois, il serait stupéfait et jurerait de bonne foi qu'il est né dans la peau d'un comte. Romain. Et à part ce ridicule, rend-il sa femme heureuse ? Mais oui. Tu dis oui sans conviction. Dame, il n'est certainement pas un modèle de fidélité, et ça encore, c'est par chic. Il se croit obligé d'avoir des maîtresses par genre, et ça me désole. Madame Moret souffre de ses infidélités. Ah, oui. Eh bien alors, qu'est-ce que ça te fait ? Comment ce que ça me fait ? Mais c'est précisément ce qui m'inquiète. Quand une femme ne... Ah, tout le monde part. On n'est pas malheureux. Nous allons enfin saisir un instant Josette. Non. L'aréole reste, lui. Que non. Que si, il s'installe. Allons-nous-en. Je reviendrai voir ta nièce un autre jour. Tu ne vas pas partir encore, Jean, dit la comtesse en leur barrant le passage. Vous non plus, monsieur de l'affaire. J'ai mille choses à vous dire. Il y a si longtemps que nous nous sommes vus. Restez donc. Nous causerons tout à l'heure. Et en parlant, elle regardait avec insistance l'aréole, ayant carrément l'air de lui dire « Mais allez-vous-en donc, vous voyez bien que vous nous gênez. » Négligemment accoudée à la cheminée, l'aréole ne bougea pas. Josette, alors, les voyant décidés à partir, les accompagna en babillant jusqu'au dernier salon et revint s'asseoir d'un air ennuyé près de la cheminée dans laquelle flambait un feu clair. Puis, sans rien dire, elle regarda son tenace compagnon. Svelte, très brun, le teint mat, l'œil démesurément long et voilé, les narines pincées, la bouche sensuelle, la barbe soyeuse, le marquis de l'Aréole est ce qu'on appelle un joli garçon. Son élégance et ses caprices font loi et ses bonnes fortunes sont proverbiales. Au premier abord, on donne au marquis 35 ans. Et il faut le regarder bien attentivement pour se rendre compte qu'il a une dizaine d'années de plus. 1000 petites rides marquent les tempes et le dessous des yeux. Les paupières sont plissées, les lèvres flétries, le regard trouble et les cheveux rares. Mais toute la personne est soignée, entretenue et servie avec un art extrême. Ce fut lui qui parla. Ainsi, vous aviez 1000 choses à raconter à l'affaire ? Dit-il à Josette d'un air narquois. Oui, répondit-elle laconiquement, se rencognant dans son fauteuil comme une femme peu disposée à causer. Et ces choses étaient probablement très intéressantes ? Probablement. Y a-t-il longtemps que vous connaissez l'affaire ? Depuis que je suis au monde. Et vous, est-ce que vous le connaissez ? Mais sans doute. Ah. Eh bien vrai, je ne l'aurais pas cru. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas paru désirer se rapprocher de vous. L'intention était évidemment impertinente. L'aréole rougit et reprit. Il habitait autrefois le même pays que vous? Oui. Il était votre voisin? Oui. Proche, voisin? 5 kilomètres. Il y avait 3 côtes. Elle ajouta ironiquement. Y a-t-il encore quelques détails que vous voulez savoir? Non. Je voulais savoir seulement si l'affaire avait été assez mêlée à votre vie pour en connaître les incidents. Il n'existe pour moi qu'à titre de renseignement. Ce n'est pas de lui que je suis jaloux. Pardon, vous avez dit jaloux? Eh bien oui, je le suis. Je le suis à la rage, mais c'est d'un autre. Josette regardait le marquis bien en face. Elle l'interrompit. Je ne comprends pas, dit-elle froidement. Vous comprenez, au contraire. Vous savez que depuis longtemps je vous aime et vous me faites souffrir atrocement. Je sais, s'écria impétueusement Madame Moret, dont les jolies petites oreilles s'allumaient, que depuis longtemps en effet vous me poursuivez avec un inexplicable acharnement, que vous m'imposez comme en ce moment votre présence qui m'obsède et me blesse, que vous cherchez à faire croire dans le monde par votre attitude que, comme tant d'autres, je suis descendu jusqu'à vous. Moi? Oui, vous! Tout à l'heure encore, en affectant de rester ici le dernier, dans quel but faites-vous tout cela? Vous savez pourtant bien que vous aimez ailleurs? Hélas, oui, je le sais. Il s'attendait à une dénégation, mais la comtesse continua tranquillement. Que je n'éprouve pour vous aucune sympathie, aucune. Je vous prie donc formellement de ne pas chercher davantage à m'en inspirer. C'est inutile. Mais je vous aime, moi, dit l'aréole d'une voix tremblante. Je vous aime plus que je ne puis le dire. Pourquoi ne voulez-vous pas me permettre de vous aimer? Elle répondit moqueusement. Vous n'êtes pas du tout mon type. Le marquis se mordit les lèvres et lui lançant un regard méchant. Prenez garde, madame, vous avez tort de plaisanter. Déjà Josette ne l'écoutait plus. Blottie au fond de la bergère Louis XVI, elle présentait distraitement au feu son petit pied et absorbée, regardait sans les voir les flammes bleues qui léchaient les grandes bûches. La tête inclinée, la bouche entr'ouverte, elle rêvassait emportée au loin, oubliant avec sa mobilité d'impression ce que l'aréole venait de lui dire, peut-être même oubliant qu'il était là. Lui dévorait des yeux la nuque blanche où se tordaient de vigoureuses petites mèches moins noires que le reste de la chevelure. Sur cette chevelure sombre, l'oreille fine, spirituelle, rose encore de la colère passée, se détachait en lumière et attirait impérieusement son regard. Il éprouvait un indéfinissable étranglement. Ses tempes battaient, il voyait trouble. Sans presque avoir conscience de ce qu'il faisait, il se glissa vers la jeune femme qui rêvait toujours et la saisit violemment dans ses bras. Josette, stupéfaite, ne dit rien, mais elle se dressa tout droite et devint pâle. Sa main fuselée se leva et, retombant sur le visage du marquis avec une brutalité sauvage, lui arracha un hurlement de douleur. Il resta un instant à genoux, aveuglé, hébété et, selon l'expression populaire, voyant 36 chandelles. Puis, portant à son nez son mouchoir, il se releva et, regardant insolemment Madame Moret, « Peste! Ce sont là façon digne d'une bourgeoise de la rue Saint-Denis. » Josette tremblait. « Oh ! » dit-elle d'une voix rendue rauque par le saisissement. « C'est vous qui osez railler !» Et durement. « Allons, sortez, quand vous aurez fini de saigner du nez !» L'aréole était livide. « Je pars, madame, mais j'espère avoir un jour ou l'autre le plaisir de vous retrouver. Peut-être alors serez-vous moins vertueuse. Puis-je en attendant savoir quel prétexte vous comptez donner à ce cher Moret pour motiver mon expulsion ?» La jeune femme hésita. « Cela ne regarde que moi, » dit-elle. « Et moi aussi un peu, car enfin, encore faut-il que je sache à quoi je dois m'attendre. » Josette eut un sourire tout plein de mépris. « Soyez tranquille, je ne vous ferai pas l'honneur d'apprendre à mon mari pourquoi je vous chasse. » L'aréole rapprocha ses talons et saluant avec la même correction que si rien ne se fût passé, sortit lentement du salon. Il maugréait sourdement en descendant l'escalier encombré de fleurs. « Je lui ferai voir que je ne suis pas un des petits messieurs qu'elle balance. Jamais je ne me suis toqué d'une femme à ce point-là. Et c'est fou, car elle ne peut pas me souffrir. Lalonde ne l'aime plus. Il fait la cour à Madame de Guibray. » « Oui, mais elle ne s'en doute pas. Il faudrait l'en informer. » « Pour commencer, ça c'est facile. Elle cédera toujours à un moment donné, et si elle ne cède pas, il sera temps d'employer la force. » « Tant pis. Elle se taira. On ne raconte guère ces petites histoires-là, quand on en est l'héroïne. » Et lorsqu'il fut remonté dans son coupé, « Tout ça, c'est très gentil. » Mais il faut que je règle ce soir les 600 louis de Luxeuil. Où les trouver ? Il sourit et murmura. Tiens, tiens, ce serait drôle.